À nos idées, danser la guérilla sur le dance floor. Ton nom encore un corps dans du corps, c'est du hardcore et rapide. T'as le son qui va te faire déraper, le coup qui va te frapper. La laisse pas me calmer. T'as c'est le coup qui blesse, c'est laisse pas de dentelle. La sucherie, jette dans la pousse de brûler les ailes. Batista, all star, regarde ici ce black flag. Chaos dans la salle, chaos dans la face. C'est ça qui fait fight club, tu voudrais fly, mec. Mais je suis ce bazar, je vais le mettre à ta place, mec. Mec dans la salle, c'est celle d'un roi dans la place. On installe illégal, big bang dans la faille. C'est la soucherie, de régner le désordre et l'anarchie. Fou dans la poule du travail et la boucherie. Sourd dans la foule. Y'a des sourds dans la foule, sourds dans la foule. Y'a des fous dans la foule, viens prendre les coups. Ferme les coups, pour le père en rigoule. On t'a brouillé, fais des fous dans la foule. Dans le saut des foules, dans le coup des boules. Et ma boulette, tu des sourds dans la foule. Y'a des fous dans la foule, viens prendre les coups. Ferme les coups, pour le père en rigoule. On t'a brouillé, fais des fous dans la foule. Dans le saut des foules, dans le coup des boules. Et ma boulette, fais des sourds dans la foule. Puissance de flamme, attentat sonore. Les sombres pour les grands, en mort de sport. Cette fois-ci c'est clair, tu vas transpirer. Devant j'ai des bras, t'as des masses. Mais t'écoutes les en paix, en place. Conseil d'amis, laisse-toi dans ma zone. Tu risques cher, j'suis pas couvert. Alors descends tout droit au déter. Même contre une armée de clans. Avec la foi, des cyclones. Raciné comme un pylône. La sourgie, bientôt dans les blocs. Ça débloque et j'espère que dans ton vote. Nous on est hal, la force du chacal. Sourgie en live au départ, ça va faire mal. Sourgie en live au départ, ça va faire mal. Y'a ce shit for life, on déplace à la ferme. Y'a des fous dans la foule, viens prendre les coups. Fermez les coups, coups, père en rigoule. On t'a brouillé, fais des fous dans la foule. Dans le saut des foules, dans le coup des boules. Et ma boulette, tu des sourds dans la foule. Y'a des fous dans la foule, viens prendre les coups. Fermez les coups, coups, père en rigoule. On t'a brouillé, fais des fous dans la foule. Dans le saut des foules, dans le coup des boules. Et ma boulette, fais des sourds dans la foule. La pose de la soucherie, c'est la passe au hardcore. Là où tu transformes, meilleur de tes frères en adversaire et prévère. Dans un son de la méchant, on s'attrape, on se rentre dedans. Riposte, faut être KDS pour le style. Vengeance, vous devez les ailler, t'es pour elle. Le mec devant, moi plus rouge mais noir. Tout ce que je cherche, t'envoyer faire un tour en dortoir. La sanction s'avère sévère. Le mec s'élance, cavale, pour soi. C'est le mur qui avale, au cravalement de façade. On se croit ce malade, il est temps d'en finir. Jetons le mal par le mal. Ramasse ton frère et fais-lui un verre qui fait mal. Histoire de finir mal. Et pour toi et pour lui, tu la soucherie. Des rafous dans la foule, viens prendre les coups. Fermez les coups, coups, père en rigoule. On t'a brouillé, fais des fous dans la foule. Dans le saut des foules, dans le coup des boules. Et ma boulette, tu des sourds dans la foule. Des fous dans la foule, viens prendre les coups. Fermez les coups, coups, père en rigoule. On t'a brouillé, fais des fous dans la foule. Dans le saut des foules, dans le coup des boules. Et ma boulette, fais des sourds dans la foule.